Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission spéciale bande dessinée sur Fadjet tous les premiers vendredis du mois. Dans cette émission, nous traçons l'actualité de la bande dessinée, nous en parlons. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre chroniqueuse incroyable qu'on ne présente plus. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Benjamin. Eh oui, comment vas-tu? Ben ça va très bien. Gabriel n'est pas là, apparemment il m'a dit qu'il était en retard dans son train. Est-ce que tu peux me confirmer la véracité de ses propos? Totalement, je pense que encore une fois c'est un coup de la SNCF qui fait tout pour annuler notre émission. Et le train est bien effectivement en retard. Effectivement, parce que rappelle-toi, il y a un an, jour pour jour, c'est ce qui t'était arrivé. Tu n'avais pas pu participer à la première émission de Fréquence BD à cause de ton train, mais Gabriel avait pu. Ça, c'est plutôt comique. Parce que, effectivement, aujourd'hui, Marie, c'est les un an de Fréquence BD. Voilà, wow. Donc déjà un an. Un an qu'on... Je sens toutes les rides sur mon visage. En vrai, ça fait un an qu'on est en distanciel, donc je me demande si on peut vraiment appeler ça une émission en direct. Enfin bref, aujourd'hui Marie, pour cette émission spéciale un an, nous allons donc faire une émission spéciale manga, et nous aurons avec nous tout à l'heure une personne de notre âge, hein, Marie. Présente-le-nous vite fait. Il s'appelle Barnabé et c'est un grand fan de manga et qui aimerait en fait ouvrir une librairie uniquement donc de manga parce que ça manque un petit peu. Et ce jeune homme a fait des études de commerce actuellement, donc c'est très intéressant. Il pourra nous parler des choses pas très stylées du métier, genre il va nous parler de dividendes et tout ça. Ça va être incroyable. Oui, un vrai cours de SES. C'est parfait, mais en attendant, avant de spéculer sur les bulles de manga, nous allons vous présenter tout de suite les sorties BD du mois d'avril. Alors, tout d'abord, Histoire de la Réunion de Gauvin et Urbatro et Histoire de la Guyane de Copain et La Maison, qui sortent aujourd'hui, donc le 2 avril. Tu vas vite t'en douter, hein, Histoire de la Réunion et Histoire de la Guyane, c'est tout simplement des bandes dessinées qui vont nous présenter ces lieux qu'on connaît en métropole, mais on sait pas trop ce que c'est, genre vite fait, on sait que ça existe. Bah justement, ces bandes dessinées vont nous permettre de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de ces deux endroits avant et après l'arrivée des Français. Donc je me suis dit que ça peut être toujours être intéressant, des petites BD historiques. Ouais, totalement, d'autant plus que l'histoire finalement de ces régions françaises, on les connaît pas tant que ça, en tout cas en histoire, elles sont très peu abordées, donc c'est vraiment cool. Et du coup, est-ce que ça suit des personnages ou est-ce que c'est vraiment l'histoire des deux régions en fait, mais sans suivre de personnages? Ça, je ne pourrais pas te répondre à la question parce que je n'ai pas trouvé de descriptif très précis de ces bandes dessinées, mais sur la couverture d'Histoire de la Réunion, nous voyons... la couverture est scindée en deux, avec une partie le côté traditionnel et l'autre côté une partie moderne. Donc on peut supposer que ça va parler justement de la transition de la Réunion. Et de l'autre, sur la Guyane, nous voyons des colons, sans doute, avec des personnes de Guyane qui sont dans la jungle. Donc peut-être la collaboration entre les deux. Enfin, ça sera plutôt une histoire globale, hein, vu comment se présentent les couvertures. Très bien. Et tu sais si c'est écrit si ça a été co-écrit par des historiens? Tu me poses beaucoup trop de questions. Oui, je te dis, c'est comme à chaque fois pour prouver à quel point tu es un mauvais présentateur. Bon alors, Marie, tu vas te calmer tout de suite. Alors non, je n'ai pas regardé tout ça. Moi, je présente juste les... Marie, s'il te plaît, dans tous les cas, les sources, si ça s'appelle Histoire de la Réunion, Histoire de la Guyane, c'est pas un récit, ça sera la vraie... L'histoire, ça sera documenté, je l'espère. Et si tu veux, juste après la prochaine musique, j'irai me renseigner si c'était bien écrit, d'accord? Pardon, Benjamin. Merci. Oui. Ensuite, donc cette fois-ci, un sujet où tu pourras pas m'embêter. Happy End, le premier tome de Jouvray et Benjamin, sort également aujourd'hui, donc le 2 avril. Alors, dans un futur très proche, une jeune ado de 14 ans croit dur comme fer à la chute de notre civilisation et se prépare activement à ce scénario catastrophe. Un jour, les ressources de pétrole viennent à manquer et c'est la panique. Là où avant tout le monde se moquait de Molly, ils vont vite se rendre compte qu'elle est la clé de la survie. Donc, du post-apo, comme d'hab, avec des jeunes qui, comme d'hab, vont devoir se débrouiller. Mais moi, j'aime bien, donc je m'en fous. Et puis là, vraiment, c'est le manque de pétrole hein, qui est un problème contemporain, pour le coup. Parce que, pour ceux qui s'étaient endormis en SVT, le pétrole est une énergie fossile. Donc, le principe, c'est qu'il n'y en a pas à l'infini. Enfin, si, mais ça prend des millions d'années, donc il n'y en a pas, en fait. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un peu de post-apo. Il y en a pas mal qui sortent en ce moment. C'est vrai, mais du coup, là, c'est intéressant que ça soit un peu du post-apo réaliste, finalement. Que ce Oui. soit pas genre l'effondrement de la civilisation, car troisième guerre civile qui sort de nulle part. Oui, là, bah, surtout que ce qui est plutôt marrant, hein, c'est qu'au tout début, le pétrole, on avait tellement, on savait plus quoi en foutre, et que maintenant, bah, on en fait très attention. Donc voilà, happy end, hein, qui veut dire fin heureuse, donc qui amène à se poser des questions. Ensuite, je te propose, Marie, un nouveau spin-off des légendaires. Les légendaires missions de Sobral et de Cardona, qui sortira le 7 avril. Alors, qu'est-ce que c'est les légendaires missions? Ben, c'est tout simplement des quêtes annexes qu'ont fait les légendaires durant leur quête principale. Et en fait, alors si j'ai bien compris, alors là cette fois-ci, Marie, j'ai des sources, mais ça remonte il y a pas mal de temps, parce que les légendaires, c'est un vrai fouillis, hein, il y a des spin-offs dans tous les sens. Normalement, cette bande dessinée sera à la manière d'un Spirou 2. Est-ce que tu connais? Non, Alors, explique-moi donc ce que c'est. les Spirou 2, c'est quand un Spirou est refait par d'autres illustrateurs, d'autres écrivains, d'autres machins. Donc, bah, par exemple, on peut penser au récent Le Journal d'un ingénu d'Émile Bravo, donc qui est un Spirou 2, ou alors on peut, alors là je n'ai plus le nom de l'auteur, mais de Pacific Palace, donc qui place un Spirou dans un hôtel avec un dictateur, il me semble. Donc tu vois, c'est à chaque fois l'œuvre qui est reprise par une autre personne en tant qu'hommage. Eh bien, en fait, dans les légendaires D'accord. missions, si j'ai bien révisé, parce que ça revient d'un vieux tweet de Patrick Sobral. Ou enfin, tu vois, c'est vraiment le vieux machin. Si je me trompe pas, en fait, chaque tome sera dessiné par une personne différente. Voilà. Ok, cool. Et est-ce qu'il y a déjà des petits noms? Alors, bah déjà pour le premier tome, il y a Cardona comme nom, et l'autre, il y avait une jeune dessinatrice, mais je ne l'ai plus. Je te dis, il faudrait vraiment que je retrouve ce tweet. Enfin, c'est pas du tout sérieux cette histoire, mais voilà, je me rattraperai de toute façon juste après la pause musicale. En tout cas, ça a l'air, c'est cool, c'est une super idée. Et puis, quelque part aussi, ça pourra donner un coup de fraîcheur aux légendaires. Oui, bah, puis, de toute façon, c'est une bande dessinée avec un univers tellement vaste qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En attendant, D'accord. un dernier zoom sur le petit astronaute de Ed qui sortira le 16 avril. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire de Juliette qui, chaque année, fait un tour en vélo dans le quartier de son enfance. Et puis, un jour, elle découvre une pancarte à vendre qui est placée devant l'ancienne maison familiale. Alors, curieuse, elle revisite les lieux et les souvenirs remontent, en particulier celui de son frère. Tom, un petit astronaute. Ou une petite BD sentimentale. C'est ça. Donc on ne sait pas qui est ce Tom. La couverture est très belle également. On voit une jeune fille sur son vélo, à côté d'une palissade en bois, dans un petit quartier pavillonnaire. On ne sait pas qui est ce Tom, pourquoi est-il astronaute, pourquoi est-ce son frère. Pourquoi est-ce son frère? Je pense que ça. Oui, bon, pour trouver la parenté, Ah. je pense que ce sera facile, mais enfin, t'as compris le concept. J'ai compris le concept. Plein de mystères. C'est ça. Et en vrac, alors quelle série continue dans ce mois-ci? Eh bien, si vous êtes fan de Boule à zéro, le tome 9 sera disponible ce mois-ci. Il y a également un best-of de Game Over, le tome 2 de La Merlue, le tome 5 des nouvelles aventures de Ricochet, et enfin le tome 2 des Artilleuses, dont on avait déjà présenté le tome 1 sur Fréquence BD pour vous dire à quel point c'est bon. Dans tous les cas, c'est la fin de ces présentations de bande dessinée, à moins que Marie, tu en aies d'autres, que tu en connaisses d'autres qui sortent ce mois-ci. Bah écoute, je pense que tu as fait un très bon palmarès. Je pense qu'on peut terminer comme ça. Bah parfait! Eh bien, vu que tu n'as aucune BD à nous présenter en plus, pour ce mois-ci, bah c'est pas grave. On va tout de suite écouter une chanson, Marie, et ça va te rappeler des souvenirs, parce que nous allons écouter la première chanson de Fréquence BD, la première que j'ai diffusée. Je me rappelle, j'étais plein de sueur à ce moment-là, tellement que je stressais, parce qu'on était en direct, hein, à l'époque. C'est Gare au train de Yves Jamais, et en espérant que cette chanson fasse revenir Gabriel juste après, pour la suite de cette émission où nous parlerons manga. Est-ce que ça te fait plaisir? Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Tu vois, je sens. C'est un honneur. Eh bien, nous écoutons ça tout de suite sur Fréquence BD. On se retrouve dans très bientôt. J'étais enfant rêveur, je voyais tout nouveau. Dans le pré de la maison, du passage à niveau. J'ai vu le nez des trains et j'ai vu l'heure derrière. Depuis la petite maison de la gare de Barrière, ma reine me laissait tourner la manivelle. Alors je vous le jure, il me poussait des ailes. Et depuis ce jour-là, j'aime les limonaires. Depuis la petite maison de la gare de Barrière, gare au train. train qui roule, au train où ça va. Avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous transperce et c'est le passé. À trois trains du matin, on partait au village et on suivait les rails pareil à un sillage. On rentrait vers l'express du soir et des poussières dans la petite maison de la gare de Barrière. Les chats vivaient pas vieux ou dansaient sur trois pattes. Les coqs laissaient voler quelques plumes écarlates. Les lapins finissaient souvent célibataires dans la cour d'un maison de la gare de Barrière. Car au train qui roule, au train où ça va, avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont blessés. La vie nous renverse, mais c'est du passé. Elle avait, ma reine, un visage de chiffon, bouffé par de grands yeux, d'un bleu de ciel profond, un sourire sans dents, des cheveux de coton, éternellement blanc, tiré dans un chignon. Elle mâchait ses gencives à longueur de journée, somnolait, bouche ouverte devant la télé, le coude sur la table, la tête dans la main, et je me sentais bien en prière et demain. Faire passer la route, ils ont bâti un pont, et les trains désormais ne voient plus la maison. Ils ont les yeux fermés et ne se soucient guère qu'il y avait une maison et sa gare de Barrière. Car au train qui roule, au train où ça va, avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous traverse et c'est le passé. J'ai le cœur au voyage et je rêve au hasard qu'il reste ici ou là quelques gardiens de phare et quelques éclusiers et quelques limonaires, quelques grands voyageurs, quelques gardes barrières. Car au train qui roule, au train où ça va, avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous traverse et c'est le passé. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet. Et bien Marie, sache que le train de Gabriel vient d'arriver et il n'est pas arrivé seul. Bon. Oui, il a ramené de son trajet en train Barnabé qui est notre invité pour cette émission spéciale manga. Bonjour à toi Barnabé. Bonjour. Bonjour, alors comment vas-tu ? Eh bien écoutez, je vais très bien. Eh ben c'est parfait, on aura affaire à toi tout à l'heure, mais bon, tu n'es pas venu seul, hein. C'est Gabriel qui t'a montré le chemin de la radio. Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que Barnabé a été sage pendant le trajet ? Écoute, très sage, on a mangé des sandwichs, c'était super. Eh ben c'est le principal. Du coup, pour cette émission spéciale sur le manga, donc Barnabé, pour faire un rappel, hein, pour ceux qui n'étaient pas là juste avant, tu souhaites ouvrir une boutique qui ne vendra que du manga plus tard. C'est exact. Et donc, c'est pour ça que tu fais des études de commerce pour savoir comment faire un magasin. Et donc, je suppose, hein, j'espère ne pas me tromper, que tu es un fin connaisseur sur ce média. Fin connaisseur, je dis donc que j'ai une certaine connaissance après. Disons que tu connais un peu le sujet et justement, on espère te faire découvrir des choses aujourd'hui car nous allons retracer l'histoire du manga à travers les siècles, à travers les époques, à travers les gens. Et c'est Marie qui va nous parler, dès à présent, hein, d'où commence le manga, quel est le premier manga, de quand ça date. Marie, apprends-nous et étonne-nous. Et oui, en fait, l'histoire du manga, elle est super intéressante parce qu'elle est vraiment liée à l'histoire du Japon et des différentes périodes qu'il a connues et des différents changements qu'il y a eu, en fait. Et par exemple, en fait, ça remonte à très loin, en fait, l'origine du manga, parce que finalement, c'est un art graphique, donc il est lié à beaucoup de choses. Et du coup, avant la période Edo, il y avait déjà une forme d'expression, on appelait ça la peinture narrative. Mais c'est quoi ? Et il y avait en fait des sortes de rouleaux. Ouais, vas-y, qu'est-ce que. C'était quand la période Edo ? J'ai pas les dates en tête. Ah bah bravo ! Ah, bah, non, tu vois de me... Tu m'as piégé juste avant pour les sorties. Félicitations. Edo, ça correspond à une période de paix, correspond à peu près entre le 17e et le 19e siècle. Oui, exactement. Merci de m'avoir beaucoup, Benjamin, un vrai plaisir. Pas de soucis, j'adore ça. Du coup, il y avait donc ce style de peinture narrative. Et en fait, c'était des sortes de rouleaux qui associaient donc, de la peinture et des textes, tout en dévoilant voilà, au fur et à mesure du fait que déroulait du coup le rouleau. Et du coup, déjà là, en fait, il y avait une sorte de préquel des mangas. Il y avait des espèces de fables. Enfin, en tout cas, ce qu'on pourrait vraiment associer à ce que nous, on connaît des fables de La Fontaine, mais des espèces de caricatures avec des animaux qui racontaient des histoires et qui, plus tard, inspiraient du coup les créateurs. Et justement, du coup, à la période d'Edo, les véritables estampes qui deviennent vraiment des institutions en elles-mêmes, enfin des œuvres en elles-mêmes, notamment, du coup, c'est l'époque, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais Okuzai donc, dessine cette fameuse grande vague de Kanagawa. Et en fait, du coup, lui, donc Okuzai, il publie aussi un recueil d'illustrations qui s'appelle Okuzai Manga. Donc, c'est la première fois qu'on entend parler du terme manga. Et d'ailleurs, en fait, le terme manga, enfin, c'est un mot valise, en fait, qui signifie image dérisoire. Donc, en fait, caricature. Et du coup, lui, il reprend donc l'idée de caricature et il fait des illustrations un peu comiques. Le manga, à l'époque, il désigne pas un genre de littérature comme nous. Enfin, voilà, quand on parle de manga, on parle vraiment un style. Enfin, on parle vraiment oui, on parle de la bande dessinée japonaise. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, ça désigne plutôt un style de dessin. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a vraiment eu un changement en fait de ce qui était un style, enfin, du style de dessin à ce qui est devenu maintenant. Pardon, j'ai eu une coupure, mais ce qui est devenu maintenant le enfin un recueil en soi quoi. Et du coup, en fait, c'est à partir du moment où il y a eu l'ouverture culturelle un peu du Japon. Et du coup, l'occidentalisation des modes de production, des mœurs, etc. Et en fait, ça, ça a eu la conséquence aussi d'amener des caricaturistes anglais et français, notamment au début, qui sont venus s'ajouter en fait au style préquel avant, ce qui existait avant des modes d'illustration et caricaturale, etc. Japonais purement. Et en fait, là, il y a le début en fait de journaux satiriques qui commencent à émerger, et aussi vraiment ce style, un style de dessin vraiment particulier qui commence aussi un peu à se répandre. Et le premier manga, en fait, on le date finalement de 1902. Et il est dessiné par Kizikawa, je sais pas si je prononce bien. Et justement, c'est dans la presse, en fait, qu'il est publié. Et c'est dans un supplément d'un quotidien. Et d'ailleurs, ce supplément, en fait, va devenir réellement un organe de publication de manga. Il s'appelle le Shiji Manga. Et voilà, et dedans, en fait, c'est des publications caricaturales qui se moquent un peu du pouvoir. Enfin, ils reprennent l'humour, d'ailleurs, des frères Lumière avec plein de blagues sur l'arroseur arrosé, etc. Donc un peu toujours influencé par l'Occident. Et voilà, c'est le premier organe vraiment qui reprend aussi le mot manga et qui fait des dessins de presse. D'accord. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est que si c'est ce premier manga, donc en 1902, de qui était-ce déjà le nom ? Kizikazawa. Est-ce que, vu que ça a été publié dans des journaux, est-ce qu'il y a des recueils qui ont été faits ? Barnabé, est-ce que tu sais si des recueils se font de ces vieilles créations ? Alors aujourd'hui, oui, il y a des. Alors, je ne sais pas, je vous assure pas que c'est sûr à 100%. Moi, de ce que j'ai pu voir, en tout cas en passant des fois dans certaines librairies, c'est qu'il y a de plus en plus de recueils qui sont faits et qui retracent justement toute l'histoire du manga depuis sa création. Alors forcément, c'est des extraits, c'est peut-être pas le manga dans son intégralité, mais je pense que en librairie ou dans des Fnac, etc., on peut effectivement retrouver des illustrations qui datent des premiers mangas. C'est vraiment intéressant parce que c'est toute l'histoire d'un style qui aujourd'hui est très populaire. Et du coup, en fait, après, parce que là, il n'était pas trop populaire, en fait. Il a même, du coup, ce supplément, cet organe de presse, il a même été censuré par le pouvoir, en fait, parce que ça plaisait pas du tout. Ah, et, c'était, ouais, c'était vraiment de la caricature, c'était assez politique. Et, du coup, en fait, après cette censure-là, Kitazawa, enfin, vraiment, à chaque fois, je prononce une prononciation différente, c'est jamais la bonne, je pense. Du coup, ensuite, donc après cette censure-là, il s'est vraiment tourné vers l'illustration pour enfants. Et là, il a connu un très grand succès. En fait, c'était beaucoup plus consensuel. Du coup, il a connu beaucoup plus de succès. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que commence à y avoir une présence américaine au Japon. Et là, du coup, tu as l'inspiration des comics qui vient s'ajouter en plus de l'inspiration occidentale présente avant. Donc, en fait, tu vois les premières bulles dans les mangas. Genre, des choses qui n'étaient pas présentes, le texte était vraiment mis à côté avant. Maintenant, il est vraiment intégré dans le dessin. Et après, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment amplifié l'influence américaine. Donc, après la guerre, parce que bah voilà, il y avait une présence concrète et réelle des États-Unis au Japon. Et en fait, ça, du coup, bah, il y a eu des vrais jeux culturels entre les deux. Et du coup, il y a vraiment une grande influence des États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que juste pendant la guerre, les mangas ont vraiment servi, comme les comics aux États-Unis et comme les BD en Europe, d'organes de propagande, quoi. C'était vraiment des mangas qui étaient... Alors, ils ont perdu totalement le côté enfant qui commençait à se développer avant la guerre. C'est sûr que la propagande n'est pas trop enfantine. Hein, mais... Non, c'est pas trop enfantine. Et ouais, mais c'était... Il y a vraiment... ça, pour le coup, j'ai regardé un peu des trucs et c'était vraiment... ah, voilà, la grandeur du Japon, des récits très guerriers, très... c'est vraiment ce que nous, on a pu voir. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui était commun. En tout cas, c'est marrant que ça s'exprime... par tous les domaines d'art, quoi. Et bah d'ailleurs, vu que tu parles de l'influence américaine, je sais pas si vous êtes au courant, c'est une anecdote, hein, qui est plutôt connue, mais justement, le fait que les personnages dans les mangas aient des gros yeux, alors que bah, les Japonais, ils ont plutôt les yeux bridés, ça vient justement de l'inspiration de Walt Disney, parce que Tezuka, hein, qui me semble, hein, celui qui est très connu, aimait beaucoup Walt Disney, et en particulier Bambi. Donc je sais, Tezuka, hein, c'est celui qui a fait Astro Boy, par exemple. Exactement, bah, j'allais en parler, waouh, tu... J'ai lu ton texte incroyable. Avant. J'ai lu mon texte avant. Et exactement, c'est ça, c'est l'inspirant, enfin, juste après la guerre, du coup, ça c'est... Enfin, il y a eu les comics et Disney qui étaient vraiment, vraiment appréciés de Tezuka, et ouais, et c'est vraiment, c'est connu qu'il se soit inspiré de... Nous avons récupéré de Bambi. Alors oui, du coup, Benjamin, tu parlais de Tezuka, mais oui, ça a été un auteur qui a été très important, en fait, et c'est le papa en fait du manga moderne. C'est vraiment lui qui lui donne ses lettres de noblesse, si on peut dire comme ça. Donc ben voilà, tu parlais des yeux ronds inspirés de Disney, mais c'est lui aussi qui vraiment popularise les onomatopées, les changements de cadre aussi, parce qu'avant vraiment on avait des personnages dessinés de la tête aux pieds. Lui, il décide de couper, de rajouter des mouvements, etc. Et vraiment d'avoir un œil vraiment photographique, enfin cinématographique plutôt sur les choses. Et aussi l'autre conséquence en fait de la période de post-guerre, c'est que ça crée donc forcément chez la population japonaise un vrai traumatisme, hein. La guerre c'était c'est pas très sympa, quoi. La guerre c'est pas sympa, je peux le rappeler, mais voilà, ça a créé un traumatisme psychologique, etc. Et ça a fait qu'en fait ces auteurs là marqués par la guerre dans les années 60-70, ils ont créé des œuvres beaucoup plus dramatiques. Donc, ça s'appelle les Kinjika. Là, je prononce vraiment très très mal, je suis désolée. Jin Kinga. Gabriel, Barnabé Sauvla. Oui, dis-moi si j'ai bien prononcé. J'avoue que j'ai pas très bien compris le mot en lui-même, du coup, je vais avoir du mal à aider. les mangas dramatiques. Les mangas dramatiques. Alors attends, ça rentre. Jin Kinga, non. Redis, Marie. Jin Kinga. Je suis désolée, je passe mon tour pour cette fois. Nickel. Et par contre aussi l'autre style, donc là où c'est plus facile à prononcer, chez les shonen, qui est aussi du coup bah forcément dans cette volonté de créer des, enfin d'après-guerre, donc de traumatisme, il y a vraiment cette volonté de créer aussi des nouveaux héros, des nouvelles figures, des nouvelles valeurs. Et ça s'exprimait vraiment avec les shonen qui ont connu leur période d'apogée. Et en fait, ensuite, donc, quand tu parlais d'Astro Boy, Benjamin, bah voilà, c'est le passage à la télévision qui va aussi donner énormément de popularité au manga. Et voilà, et après, c'est la route qu'on connaît, on va dire, plus, hein, qui sort de l'histoire. Enfin, c'est vraiment, le manga, maintenant, il appartient à la culture populaire. Il y a un musée international du manga à Kyoto. Enfin, c'est parti du patrimoine, en fait, quasiment. C'est drôle, la façon dont c'est parti de caricatures, de choses qui n'étaient pas acceptées par le pouvoir, à de la presse, à des dessins de propagande de guerre, pour arriver maintenant à quelque chose qui fait partie du patrimoine d'un pays. C'est vrai, c'est une évolution, effectivement, un peu commune. Merci beaucoup d'avoir fait ce résumé, hein, sur les origines du manga. Est-ce que, Barnabé, as des éléments à rajouter? Je crois que Marie a été très claire. Et non, je n'ai effectivement rien à rajouter sur les propos qu'a pu énoncer Marie. Bien, parfait. Tu confirmes que j'ai le droit à avoir cette confiance. C'est ça, notre spécialiste manga a affirmé. Bon, juste après, un petit peu de musique, de chansons, nous allons récupérer Gabriel, hein, qui est perdu dans les méandres d'Internet, où il nous parlera. Je suis revenu, normalement. Il est revenu, incroyable. Il revient pile à l'heure. C'était le train qui était revenu me chercher. Bah, on comprend. Je l'ai battu. Et bien, en tout cas, Gabriel, juste, juste après un peu de chansons, tu vas nous parler hein, de tout ce qui est l'aspect graphique, hein, cette patte graphique très intéressante du manga, qui d'ailleurs est de plus en plus présente dans les BD françaises, on peut en parler. Et, exactement. Ouais. Et en attendant, nous allons donc écouter hein, une chanson d'une chanteuse japonaise, qui date des années 80, il me semble, même un petit peu avant. C'est de la pop japonaise, comme on en faisait pas mal, et c'est un style plutôt sympa. Et d'ailleurs, que je mets aussi en fond sonore sur Fréquence BD, je parle évidemment de Plastic Love. Je n'ai plus le nom de la personne qui le chante, je vous le donnerai juste après. Donc profitez bien de Plastic Love, et juste après nous parlerons de l'aspect graphique des mangas. Bande dessinée sur Fadjet. Merci d'avoir écouté. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Plastic Love de Maria Takeshi, si ça vous dit quelque chose. Ça me dit un truc, ouais, c'est connu. Oui, Plastic Love est plutôt connu. T'as dû les voir dans tes compositions YouTube, c'est pas improbable. Dans tous, très joli. Dans tous les cas, merci. Gabriel, tu vas nous parler de cet aspect graphique du manga très particulier hein, qui se reconnaît entre mille. Et oui, donc les mangas, dès leur démocratisation, donc t'en parlais, hein, c'est beaucoup Astro Boy de Osamu Tezuka, ils sont vraiment démarqués à la fois de la bande dessinée franco-belge, ou on va dire européenne, et des comics qui avaient aussi le vent en poupe à cette époque-là, tout en bien sûr s'en inspirant. Et bah, pour ça, il y a plusieurs raisons, hein. Bah, par exemple, le type de publication fait que le papier utilisé était souvent très peu cher. Et même encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est souvent du papier recyclé. Et ce qui est et bien, donc, Ah oui, en plus ça donne un papier très doux. Ouais, et puis vu le nombre de feuilles qu'il y a dans un manga, heureusement que c'est du recyclé hein, quand il pense. Donc voilà, c'est du papier avec un grammage très fort, donc qui est assez épais, mais assez facilement déchirable. Quoi. Et, on distingue bien les points du papier. Sinon, pour parler bien sûr de graphisme à proprement parler, bah, y a les fameuses lignes de vitesse. Donc vous voyez tout ce que c'est, je pense. C'est comment dire, une espèce de reproduction graphique de la vitesse. Quoi. Donc, par exemple, quand un personnage donne un coup de poing ou court, oui, c'est les traits. Quoi. Et donc, ça vient de là Ça, je ne sais pas de quoi ça vient exactement, mais en tout cas, ça se distingue vraiment de la ligne claire, on va dire, européenne. ou alors des comics, quoi, parce que par exemple, même quand il court très vite, Flash ou Superman dans un comics, bah, c'est, tu vois juste le personnage dans son mouvement de vitesse, enfin, comment dire, il est dessiné en train de courir, avec les jambes, les bras en action, mais il est parfaitement net, quoi. Alors que dans un manga, bah, bien souvent, on va représenter la vitesse avec des lignes de fuite. À ça s'ajoute aussi un cadrage très très cinématographique. Ça, c'est vraiment caractéristique aussi, et c'est Osamu Tezuka aussi qui a lancé ça. Donc, y a beaucoup beaucoup de gros plans, par exemple, et l'action est très très découpée. Donc, d'où, je pense, l'engouement qui est donné par les lecteurs au manga d'action, en fait. Parce que, bah, par exemple, pour un combat, ça va être beaucoup plus dynamique. Si je me trompe pas, Gabriel, tu as bien fait, ou tu fais, je ne sais plus, des études de cinéma, non ? Tout à fait, oui. Et est-ce que quand on lit un manga, tu peux imaginer tout de suite un storyboard, vu de ses mises bah, ça se rapproche quasiment à 100% d'un storyboard. Ah, à ce point-là, donc... En termes de découpage, ouais. Mais voilà, ça reste de la bande dessinée. Bah, par exemple, le jeu sur les cases, est aussi hyper intéressant. Alors, vous savez, dans un manga, il y a souvent là, un personnage qui va être surpris, par exemple, et il ne sera pas dessiné dans une case, mais légèrement à part de toutes les autres cases de la page. Vous trouvez que c'est quel le manga qui pourrait être le plus représentatif de ça, quoi, enfin, si on devait en donner qu'un, ou devenait, enfin, un nom ou un style un genre, parce que je suppose en fait que là tu t'en parles de façon générale, mais je suppose qu'il y a des diversités. Et ça serait quoi le manga le plus représentatif de ça ? Le manga où ça bouge le plus ? Alors bien sûr, tous ces trucs-là, tu peux les voir dans les mangas de sport de façon très très marquée. Par exemple, t'as le manga Hajime no Ippo. Donc Hajime no Ippo, quoi, c'est un manga sur la boxe. Et là, ce que je viens de dire sur la composition des cadres, sur le découpage en cases et sur les lignes de vitesse, c'est très très utilisé. Plus sinon, t'as Astro Boy. Moi, je pensais plus récent, My Hero Academia, c'est le seul très récent que j'ai lu en action, où les scènes de combat sont très... disons, mais surtout même sur les jeux, des expressions des personnages, hein, qui sont toujours très très très exagérées, et c'est ça aussi qui donne son aspect... Du coup, Barnabé, quel serait, selon toi, le manga qui représenterait le plus le mouvement, cette expression Après avoir bien écouté ce qu'a dit Gabriel, je me doutais un peu de la question, donc j'ai commencé à y réfléchir. Il y a un manga qui m'est venu, mais c'est pas forcément celui qui va le mieux... c'est pas forcément un manga qui va vraiment illustrer le mouvement en soi, mais qui va plutôt illustrer les propos que Gabriel a donné sur vraiment... tout ce qu'il a dit sur l'explication voilà des mouvements de l'agencement des cases etc et donc le manga auquel je pense s'appelle Bakuman vous connaissez ça pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est un manga où on suit en fait le parcours de collégiens au début qui vont grandir etc et qui vont en fait devenir mangaka donc l'un va être scénariste et l'autre dessinateur et en fait je trouve que enfin personnellement je trouve que c'est un manga très pédagogique parce que à travers donc il est c'est vraiment comme on suit l'apprentissage de ces deux personnages dans leur parcours de mangaka et ben on voit vraiment ils nous apprennent finalement au fur et à mesure de l'histoire comment fonctionne vraiment la réalisation d'un manga et justement tout ce que disait Gabriel sur l'agencement des cases les différents effets pas forcément à la question mais en tout cas j'ai cette image par rapport pour illustrer les propos de Gabriel. Sinon, pour un manga qui représente bien la vitesse, je pense que Gabriel avait tout à fait raison en parlant des mangas de sport, parce que c'est vrai qu'il y a des mangas qui nécessitent beaucoup de mouvements, etc. Je pourrais également rajouter Aishid 21, qui est un manga de football américain. Mais je pense que l'illustration du manga Ippo est plus prenante, parce que c'est un manga de boxe, du coup, et c'est vrai que le travail graphique sur les mouvements des coups de poing est beaucoup plus il y a vraiment un beau travail qui est fait là-dessus. Sinon, c'est vrai que ça, on le retrouve un peu dans différents mangas, soit dans les grands classiques comme Naruto ou Dragon Ball, on en a également. D'accord, et ben merci beaucoup pour ces quelques propositions. Gabriel, est-ce que tu voulais rajouter du coup quelque chose ? Non, pas spécialement, si ce n'est que Bakuman, du coup, ça a l'air très intéressant pour voir un petit peu les coulisses de la fabrication d'un manga. Je l'ai toujours vu, mais jamais je me le suis pris parce qu'il y a énormément de tomes, il me semble, dans Bakuman. Ah, oui. Il y en a 20. Ouais, c'est quand même beaucoup, 20. Bah après, ça va, on a fait pire. Mais quand même. Oui, on a One Piece 90. One Piece 90 Non, on est à plus de 90, on se rapproche bientôt de 100 pour One Piece. Enfin, ouais. Quelqu'un qui commence la collection des One Piece aujourd'hui a du temps derrière lui. Il y a beaucoup d'économies. Ça lui revient assez cher. C'est sûr. Du coup, eh bien, si tout est dit là-dessus, nous allons écouter une chanson. Alors, Barnabé, tu as proposé, qu'est-ce que c'est ? La prochaine chanson choisie pour l'intermède musical est donc une chanson tirée du film d'animation japonaise qui s'intitule Your Name. Et donc, toutes les musiques du film sont réalisées par un groupe qui s'appelle Radwimps et qui joue également dans d'autres films d'animation. Et la musique donc s'intitule Dream Lantern. Voilà. Eh bien, on écoute tout de suite Dream Lantern de Radwimps sur Fréquence BD. Et juste après, nous parlerons de l'arrivée de la bande dessinée en France, ainsi que son traitement. Et enfin, Barnabé, tu pourras nous parler plus en détail de ton projet de librairie. C'est parti, Dream Lantern sur Fadjet. Radwimps, une musique que vous pouvez écouter dans le film d'animation Your Names. Dans tous les cas, Your Name ou pas, je vais vous parler des origines du manga en France. Alors, il faut savoir que tout commence dans les années 70, et au début, le manga en France, c'est pas trop la joie. Il y en a bien quelques-uns qui sont connus et qui marchent un petit peu, hein, comme Candy ou Goldorak, mais bon, c'est pas l'éclate. Et en fait, en France, surtout à cette époque-là, on n'est pas trop réceptif à ces drôles de dessins animés japonais, car en fait, les mangas arrivent en France tout d'abord sous forme d'animés. Et pourtant, y a quand même quelques mangas format papier qui essayent de se faire une petite place. Hein. Le premier magazine qui en propose, c'est un magazine spécialisé sur le judo. Peut-être que vous connaissez Budo Magazine Europe. Est-ce que vous connaissez ? Oui. Non. Eh ben, tant pis. De toute façon, ce magazine n'existe plus. Et donc, dans ce magazine de judo, il y avait des petites planches de manga, comme ça, à la fin. Mais le problème, c'est que c'était traduit un peu n'importe comment. Les cases avaient été redécoupées pour correspondre aux standards européens, donc de gauche à droite. Mais le problème, c'est que c'était pas ouf, il y avait des découpages bizarres. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Les gens n'ont pas compris c'était quoi ces BD bizarres. Et c'était un four. Et pourtant, le Japon, dans les années 70, il voulait vraiment faire connaître ses mangas dans le monde entier, car on dit même que l'ambassadeur du Japon, l'ambassade du Japon à Paris, avait organisé une rétrospective du manga au drugstore Publicis de Saint-Lazare, mais tout le monde s'en foutait en fait. Ça intéressait quelques gens, mais c'était pas l'éclate. Je sais pas si vous en aviez entendu parler de cette histoire. Pas du tout. Et c'est pour une bonne raison, c'est qu'en fait, les mangas qu'on pouvait lire en France, c'était de très mauvaise qualité. Mmh. Et dans les années 80, a commencé à être publié des mangas traduits de Candy, et qui trouvent un certain succès, quand même. Donc Candy, si je dis pas de bêtises, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui vit dans une famille riche, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, enfin, c'est une histoire classique, c'est du vieux manga. Et bon, bah voilà, Candy, ça marche un peu bien dans les années 80, mais les autres mangas qui arrivent, bah, ils trouvent pas de succès. Il faudra seulement attendre la sortie du film Akira début 90. Est-ce que ça vous parle ? Bien sûr. Oui. Évidemment. Eh bien, il faudra attendre dans ce film avec des gens qui roulent sur des motos pour que la France s'intéresse enfin au manga. Et d'ailleurs, Glenna ne va pas lâcher ce filon qui se profile et en profitera pour publier les albums en France qui feront un succès phénoménal pour du manga. Mais Glenna n'est pas le seul à faire découvrir le manga et plus particulièrement les animés en France, car il faut également parler du fameux Club Dorothée qui a officié sur TF1 de 1987 à 1997. Et oui, ça date. Parce que bah, le Club Dorothée, hein, bon, je ne vous le présente plus, hein, on sait tous à peu près ce que c'est. Eh bien, ce Club Dorothée a inondé la télévision d'animation japonaise, mais genre tellement inondé qu'on nous a pris pour des fous à l'international. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'émission du Club Dorothée devait combler 20 heures de programmation sur TF1. Donc bah, 20 heures, c'est beaucoup, et bah, il fallait bien occuper les enfants. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de dessins animés français à l'époque, et les dessins animés américains, ils étaient trop chers. Donc bah, il ne restait plus que les japonais. Et vu que c'était pas cher et qu'on pouvait en acheter plein pour le prix d'un américain, et ben c'est comme ça que des dizaines de séries ont été diffusées sans trop faire attention à ce qui était pris car bah, fallait combler les heures. Et ce qui faisait que bah, tout était un peu mélangé, tout était mal doublé, parce que bah, fallait faire vite. Donc on avait du Ken le survivant qui se mélangeait avec du Juliette je t'aime, et puis juste après tu avais du Princesse Sarah et tu mettais du Dragon Ball. C'était mélangé, ça avait pas trop de sens, mais bah, on était vachement contents en fait. Enfin, les jeunes de l'époque, moi j'étais pas né. Et en fait, c'est des références qu'on a encore beaucoup aujourd'hui. Et oui, bah c'est bah, évidemment, car ça a marqué la génération précédente, donc le Club Dorothée. Et en fait, justement, vu de cette émission à ramener n'importe quoi comme animé, qui n'était pas forcément tous regardables pour des enfants de 10 ans à l'époque, bah, ça a amené énormément de censure. Et plus le Club Dorothée avançait, plus il y avait de censure. Parce que bah, quand tu montres un épisode de Ken le Survivant où il détruit des gens, ils explosent et tout ça, bon, c'est pas vraiment une bonne idée. Et en fait, bah, les enfants, ils aimaient bien. Les enfants, ils aiment bien la violence à la télé, c'est pas le problème. Mais les parents, ils aiment moins. Et en fait, certains politiques sont même partis en croisade contre les mangas pour les interdire sur le territoire. Et on peut penser par exemple à Ségolène Royal, hein, qui était très connue à cette époque-là, pour sa politique anti-animée. Et donc je reviens au début, pourquoi on nous prenait pour des fous en fait ? Et bien en fait, les autres pays qui diffusaient des animés, bah, ils faisaient attention à ce qu'ils prenaient. Donc ils prenaient genre Maya l'abeille. Vous voyez, genre Maya l'abeille, c'est tranquille. Je sais pas si vous avez déjà regardé, mais... Mignon. C'est une abeille, ça passe quoi. Enfin, c'est pas qu'elle soit vivante. Oui, voilà. Donc, pendant que les enfants anglais regardaient Maya l'abeille, bah nous, Maya l'abeille, elle devait esquiver des Kamehameha, tu vois. Donc, bon, c'était pas trop la même chose. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les gens ils se disaient, mais ils sont fous en France, pourquoi ils montrent ça à des gosses ? Et en fait, au fil des années, bah, les plaintes envers les animés ne s'épuisent pas, et la télévision se retrouve obligée d'en retirer énormément de sa programmation. Donc bah, il va rester voilà, ce qui rapportait le plus, donc bah, Pokémon, par exemple, hein, pour nous présenter lui. Tous ces dessins animés japonais vont être remplacés par des dessins animés américains. Et donc, bah, les fans de manga, qu'est-ce qu'ils font, vu qu'ils peuvent plus regarder des animés à la télé ? Ils vont se tourner vers les quelques boutiques japonaises de France qui vendent des mangas. Et au même moment, Glenna, en 93, va publier les Dragon Ball en France. Et malgré le fait que beaucoup de gens critiquaient Glenna de vouloir détruire le commerce de la bande dessinée franco-belge, eh bien, c'est vraiment ces magasins-là et Glenna qui va participer en fait à l'explosion du marché du manga. Car tout simplement, hein, bah, les jeunes frustrés de ne plus pouvoir regarder ce qui leur plaisait à la télé vont bah, les acheter format papier, vont découvrir qu'en fait ce qu'ils regardaient c'était des adaptations, découvrir les vraies histoires pas censurées, et bah, ensuite bah, le manga c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, la bande dessinée la plus achetée en France, et la France est même le deuxième pays le plus consommateur de manga après le Japon, donc c'est pour dire à quel point on en est fan. Donc voilà l'histoire du manga en France, j'espère que je vous ai pas trop perdu. C'était très intéressant, mais finalement, c'est aussi intéressant de voir que c'est... En fait, quelque part, moi, je trouve qu'on a eu de la chance d'avoir une certaine... Bon, bah, peut-être il y a eu 2-3 mômes qui ont été choqués à vie de voir qu'elle n'est survivant, voilà. Mais quelque part, on a eu aussi accès à une diversité. Ah oui, enfin, en tout cas, des mangas auxquels on n'aurait pas eu accès, etc. Et... Cette diversité est justement due à la négligence en fait, des gens de TF1 qui ont pris n'importe quoi. Mais au final, c'est une négligence pour une bonne chose, parce qu'on voit que ça a rapporté au final. C'est ça. Et c'est aussi intéressant que ce soit vraiment juste un calcul froid et économique, et pas du tout juste « Oh, waouh, les mangas, qu'est-ce que c'est ?» Je pense qu'il y intéresse. Non, c'est vraiment... Bah, en même temps, les dessins animés américains ont toujours été voilà, bon enfant, bonne famille, mais il suffit de regarder Inspecteur Gadget, à la fin, t'avais même des leçons de morale pour dire aux enfants qu'il fallait pas parler aux inconnus. Alors ça va, hein. Donc c'est sûr que tu peux pas... Ouais. C'était deux salles, deux ambiances, donc... Oui, c'est vrai que t'as pas du tout la même structure dans... Enfin, c'est pas ça qui est... Enfin, c'est pas véhiculé pareil, les morales et tout dans les mangas. Et surtout que les animés ont diffusé et diffusent encore beaucoup plus de messages que les dessins animés américains, surtout à l'époque. J'ai énormément parlé des clubs Dorothée, parce que c'était la référence au moment de l'explosion des mangas. Mais il y avait du manga qui parlait... du soi, du rapport à la famille, qui parlait de sport, qui parlait de science-fiction, qui parlait, en fait, il y avait tous les sujets qui étaient abordés, et ce qui est peu commun, en fait. D'une certaine façon, ils prenaient pas les enfants pour des imbéciles. Ah, d'autant plus que c'était, en plus, destiné quand même à un public un peu plus âgé que le public du Club Dorothée, je crois. Pas forcément, le Club Dorothée, il y avait tout qui était mélangé, donc... Oui. Et ce qui peut nous amener à faire une très bonne transition, Gabriel, sur le traitement des mangas en France. C'est bien ça ? Ouais, c'est bien ça. En fait, je voulais lancer justement une espèce de petite discussion autour de ça, quoi, parce qu'on ne peut que se réjouir du fait que ça a énormément de succès et qu'il y ait compris plein d'auteurs français qui prennent un style manga et qui se réclament de faire du manga. J'en avais vu également qui parlait de la chute du manga en France. Ouais, c'était très intéressant. Qui disait que justement, c'était... En fait, il y avait une baisse d'acheteurs parce que il y avait pas mal de séries qui commençaient à s'éterniser. Mmh. Et donc, d'une certaine façon, ça en refroidissait les nouveaux qui voudraient se lancer. J'avais vu ça. Il y avait aussi... Ouais, je crois que Benjamin, ouais, c'est vrai. Et il y a aussi le fait que... c'est vrai que le manga, en France, ça a un coût qui est plus élevé qu'au Japon. Le prix est élevé aussi parce que faut rémunérer l'auteur, et puis en France aussi il y a les maisons d'édition, et il y a aussi une meilleure qualité de papier qu'au Japon, ce que j'ai pu voir. Et c'est vrai que un manga dont le prix tourne en moyenne entre 7 et 8 euros quand même, c'est pas donné non plus. Et c'est vrai que pour des séries comme One Piece, c'est le gros exemple, mais quand on pas du tout, et qu'on veut se lancer dans One Piece et qu'on voit qu'il y a 98 tomes, par exemple, c'est vrai que niveau budget, c'est quand même pas rien. Et surtout que le problème du manga, c'est que vu que c'est quelque chose qui est fait en grande partie pour les jeunes, le pouvoir d'achat des jeunes n'est pas illimité. Hein. Donc, il y a aussi ce problème-là. Et je sais pas si un jeune aujourd'hui dit « Papa, maman, pour Noël, je veux One Piece », ça passe. On va dire, écoute mon enfant, ça va être compliqué. Ouais, les deux premiers. Ouais, au moins les deux premiers, ouais, c'est ça. Mais justement, vu qu'on parle d'un sujet que j'aime pas trop, hein, c'est le sujet financier, parce que c'est pas du tout rêveur, mais manque de peau, il rentre en jeu. On va en parler de ton idée de boutique, parce que c'est très intéressant d'ouvrir une librairie, surtout spécialisée comme ça. Si tout le monde est bon, tout le monde est bon ? Oui. Eh bien, qu'est-ce que nous allons écouter dès à présent ? Est-ce que quelqu'un a une idée en tête ? Sinon, vous me ferez confiance. J'allais dire du Carla Bruni, mais c'était une blague, mais tu vas vraiment le faire, donc je ne veux pas le dire. Eh bien, nous allons donc écouter du Carla Bruni, comme Gabriel l'a voulu. Je ne connais pas du tout la... Sinon, on peut mettre aussi la musique d'Akira, qui est super bien. C'est vrai. C'est bien mieux que du Carla Bruni. D'accord. Ça te semble quoi ? Ça me plaît plus dans le thème, effectivement. D'accord, eh bien, nous n'écouterons pas tout de suite les chansons de Let's Femme de l'ancien président de la République, c'est long à dire quand même. Et nous écouterons donc dès à présent sur Fadjet. Alors, c'est quoi ? Parce que j'ai jamais regardé Akira. La bande-son, l'OST ? Alors, attends. La bande-son. La bande-son d'Akira, ils vous en parleront mieux que moi à la reprise, parce que moi je n'y connais rien. Et juste après, Barnabé va nous parler de son projet d'ouvrir une librairie. Pour cela, il fait des études de commerce. Ce gars est fou, ce gars est intéressant. Et c'est tout de suite sur Fadjet. L'émission de Fréquence BD. Ce cher Barnabé, qui est-ce ? Bonsoir Barnabé sur Fréquence BD. Alors présente-toi un petit peu rapidement. Pourquoi es-tu invité dans cette émission ? Oh, Benjamin, enfin rebonsoir. Donc là, je suis Barnabé Trouel. J'ai actuellement 19 ans et je fais des études en BTS, Management et Commerce Opérationnel à Strasbourg. Mon projet professionnel sur le long terme est donc d'ouvrir une librairie spécialisée dans le manga. N'empêche, je trouve ça vachement intelligent sur le fait de faire des études de commerce pour ouvrir sa propre boutique. Alors, justement, quelles sont les difficultés ? Est-ce que tu en connais des difficultés pour ouvrir sa propre boutique ? Parce que c'est pas rien quand on y pense. Alors, oui, effectivement, bah, y a beaucoup de difficultés. Bon, je sais que c'est un sujet que tu n'apprécies pas énormément, Benjamin, mais déjà, ça demande des sous, bien évidemment. Une somme, enfin, bien sûr, ça dépend de si l'entreprise est rachetée ou si elle est fabriquée de toutes pièces, c'est pas les mêmes sommes d'argent. Mais il faut quand même compter plus de 100 000 euros, voire 200 000 et plus. Pour une boutique, ça dépend vraiment. Oui, pour une boutique. Disons que pour une boutique dont on rachèterait les locaux, ce serait entre 100 000 et 200 000. Pour une boutique qui serait construite de toutes pièces, ce serait beaucoup plus. D'accord, ouais. Ah oui, quand même. Oui, c'est un sacré budget. Et du coup, c'est quoi ton ambition en fait derrière ça ? Parce que ouais, comme tu dis, ça demande beaucoup d'argent. Pourquoi toi tu veux le faire ? Qu'est-ce qui te tente ? Pourquoi t'as eu ? Enfin, d'où vient cette idée ? D'où vient ce projet ? Raconte-nous. Ce projet est né dans une période où je n'y voyais pas forcément très clair, mais où le manga avait déjà sa place dans mon cœur. Et j'ai donc un jour, ma mère a clairement fait référence à ce métier et à cette passion qui m'animait. Et je me suis dit que c'était une excellente idée et que ça me permettrait donc de faire connaître le manga à des gens qui ne connaîtraient pas. Donc ce projet de monter cette librairie de manga, c'est avant tout parce que c'est vivre d'une passion et que j'aime énormément. Et c'est parce que aussi je me suis rendu compte à travers différentes rencontres que j'ai pu faire que énormément de gens connaissent le manga de nom ou ne le connaissent pas du tout et ont parfois un avis extrêmement négatif sur le manga sans vraiment le connaître. Et finalement, en discutant avec ces mêmes personnes avec ces avis négatifs et en leur expliquant, en leur montrant ce que c'était, ont clairement changé d'avis et s'ils sont un peu intéressés, sans pour autant être devenus de grands fans, mais voilà, s'ils sont intéressés et l'expérience n'a pas été désagréable. Et donc, c'est pour transmettre cette passion essayer de faire connaître le manga à des personnes ayant un avis négatif ou qui ne le connaissent pas du tout. Voilà un peu l'objectif de mon projet. D'accord. Et donc, j'imagine que dans cette boutique, ton objectif, c'est de faire découvrir tout le spectre du manga. Il n'y aura pas, enfin, c'est un terme qu'on utilise plus dans les jeux vidéo, mais il n'y aura pas que des triple A, tu vas essayer de mettre comme des archives, des recueils, des auteurs classiques. J'aimerais qu'il y ait de tout, parce que bon, je ne vais pas vous cacher que voilà, j'ai une culture sur toute la culture du manga, la mienne est quand même assez limitée. Mais déjà pour que ce soit un enrichissement personnel, j'aimerais que voilà, il y ait de tout, des plus vieux comme des plus anciens, afin aussi que voilà, tout le monde puisse s'y retrouver, comme des plus jeunes comme les plus anciens. Donc voilà, qu'il y ait une grande diversité afin que tout le monde y trouve sa place. D'accord, ouais. Moi, je vois l'idée que c'est un très bel objectif que tu as de faire découvrir ta passion aux autres. Et alors, moi, je me demandais, je ne sais pas si en France, il y a des magazines de prépublication comme au Japon, des gros magazines avec plusieurs chapitres, enfin, un chapitre de plusieurs mangas. Est-ce que c'est quelque chose dont tu sais que ça se vend dans des boutiques ou tu aimerais être vendre? Pour répondre à ta question, du coup, Gabriel, j'en profite, je refais un parallèle du coup avec le manga dont je parlais précédemment dans l'émission, donc, qui s'appelle Bakuman. Et à travers ce manga, effectivement, donc il y a tout le processus de publication qui est montré dans les grandes maisons d'édition au Japon. Et c'est vrai que donc nous en France, on n'a pas ce système de publication hebdomadaire d'un chapitre par semaine. Mais du coup, voilà, on n'a pas ces magazines, mais j'ai vu que ça se fait, qu'il y a des magazines, du moins, qui paraissent. Ils sont pas vendus, ils sont donnés en passage en magasin. Mais c'est des magazines où il y a des, c'est pas vraiment, du coup, c'est surtout sur des nouvelles séries qui vont être publiées. Et voilà, il y a c'est des magazines qui sont faits par les maisons d'édition, donc. Je crois que chez moi, j'en ai sur Glena et Kion. Donc Glena, donc c'est ceux qui font les maisons d'édition qui publient One Piece ou Dragon Ball, et Kion et publie My Hero Academia et d'autres. Alors justement, pour donner un complément d'information, Gabriel, sur les magazines de prépublication manga en France, il y en existait au début des années 70-80, mais ils ont tous disparu. D'accord. Donc si tu veux des noms, il y a Le Cri qui tue, Kamea, Manga Player ou Shogun Mag, hein, pour en citer que 4, mais en fait ils ont tous disparu. Voilà. Ok, bon, faut croire que ça marche pas. à l'époque ça ne marchait pas et peut-être que personne n'a voulu retenter. Sûrement, oui. Tu me diras, c'est pareil pour les comics, il y en a finalement assez peu qui sont vendus par chapitre en France, même si ça existe. Mais du coup, oui, pour revenir juste sur ça, pour finir comme ça, Benjamin a très bien amorcé le truc, mais du coup, oui, en France, ils refont, les maisons d'édition refont ces magazines avec des nouveautés qui vont sortir, mais voilà, elles ne sont pas vendues, elles sont données en magasin, justement, comme Benjamin le disait, parce que ça n'a pas trop marché en France, ce genre de méthode. Et du coup, moi je me demandais, parce que tu parles de faire découvrir des mangas, etc., comment tu comptes mettre ça en place? Enfin, je veux dire, à travers la boutique, comment tu penses le faire? Enfin, je veux dire, est-ce que ce sera juste, en étant présent dans une ville, dans une rue, et du coup, en accueillant les gens, etc., ou est-ce que tu penses, mettre en place des ateliers, des lectures, des découvertes, inviter des auteurs, inviter des mangaka ou des choses comme ça, ou enfin, je sais pas si tu as déjà un peu réfléchi ou pour toi c'est encore un peu long, je sais pas. Alors oui, j'ai un peu réfléchi. Alors bien sûr, c'est important déjà dans tout commerce d'avoir de créer de l'animation sur son point de vente. Du coup, pour le manga, c'est vrai que ça peut être absolument intéressant d'inviter des auteurs. Bon, c'est pas la chose la plus simple à faire, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aimerais beaucoup, en tout cas, ce serait dans ma librairie, d'avoir un espace, je sais pas si ça marcherait, mais du moins un espace dédié un peu à la conversation, donc un espace tranquille avec des fauteuils où les gens peuvent se poser et, par exemple, juste discuter avec un vendeur ou discuter entre eux d'un manga qu'ils ont pu lire. Et une dernière chose que j'aimerais mettre en place aussi pour toucher à peut-être un peu plus de monde, donc ça, bon, c'est un projet que j'aimerais le réaliser, mais ça prendra peut-être un peu de temps, mais j'avais pensé à réaliser des vidéos pour présenter des classiques du manga sous forme, présenter de manière un peu humoristique et ludique différents mangas, donc des classiques, pour que les gens qui connaissent pas puissent avoir un aperçu de ce que c'est, et qu'ils puissent se faire une opinion et peut-être avoir envie de le découvrir et de passer en magasin. Voilà. Je pense que c'est une très belle façon de terminer là-dessus. Une image de nous sur des canapés en train de partager nos goûts dans ton futur magasin. Eh bien, j'espère vous dire. Oui, Gabriel ? Oui, non, pardon, mais en parlant de vidéo, ça me fait penser que j'ai oublié tout à l'heure de recommander une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, une émission YouTube, précisément, qui s'appelle Koma, donc K-O-M-A, et c'est de Northern Rufio. Et donc ça présente... Ça parle de manga de façon thématique. Donc par exemple, il va y avoir le cadrage dans les mangas à partir des mangas de sport. Il y a toute une vidéo sur la boxe dans les mangas, etc. D'accord. Est-ce que tu peux répéter le nom ? Oui. Alors c'est la chaîne YouTube Northern Rufio. Northern comme du nord quoi, en anglais. D'accord. Rufio, R-U-F-I-O. Et l'émission c'est Koma, K-O-M-A. Eh bien, merci beaucoup Gabriel. Merci à toi Barnabé de nous avoir de nous avoir partagé un peu tes connaissances sur les mangas, de nous avoir parlé de ta boutique. On espère que tu arriveras à réaliser ton rêve. Et tu peux être sûr que si ta boutique ouvre, Fréquence BD sera la première à en parler. J'annonce tout de suite. Eh bien, merci beaucoup. Il est déjà l'heure de se quitter, on a beaucoup parlé, c'était très intéressant de parler de manga avec vous. Le mois prochain, le mois de mai, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, il me semble que c'est le 5 mai, je ne suis pas sûr. Nous aurons sans doute avec nous un invité exceptionnel, mais je ne vous dis pas qui c'est, car il s'annoncera lui-même. Prochaine émission, vous verrez ça, ça va être incroyable, et ça sera le 7 mai. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée sur Fadjet, et puis à la prochaine. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir.